Des cacahuètes, j'en ai 17. Je vais bien, avenue des Pins. Ma famille est chouette, le soleil brille au loin. J'habite au 17, avenue des Pins. Ah, ah ben oui, oh que oui. C'est-tu relaxant les semaines avant Noël? Comment tu te sens, Maxime, en vacances? Je me sens pas reposé, pas en tout. Pas reposé, pas pour deux semaines. Je suis tombé malade. C'est classique, là, tu tombes en vacances, tu tombes malade. Là, ben là, oui. Le stress, il descend, puis là, bam! Ton système immunitaire, il est comme, bon, ben moi, j'ai plus besoin de fonctionner, il est en vacances. Il dit, fuck that shit. J'ai travaillé assez fort cette année, merci, bonsoir. Maintenant, tout passe. Fait que là, j'avais 3 jours de mal à la gorge, j'ai pas full de voix. Je me gave au Cepacol pour pouvoir enregistrer tous les trucs dans lesquels je parle. Ouais, je te comprends. J'étais un peu pareil aujourd'hui. Là. J'animais un groupe de jeunes au service de garde de l'école. Là, parce que, en fait, on enregistre le 22, OK? Fait que, au moment d'enregistrer... Il fallait absolument que je crie par-dessus les enfants, mais oh non. Je pouvais pas parce que j'avais la voix d'une fumeuse de 58 ans, là, tu sais, mais en tout cas. Tout ça pour dire, Maxime, que je suis fort peu encouragé par ce temps des fêtes. Ouais, mais là, je vais pas te couper, là, mais avant qu'on passe au prochain sujet, penses-tu que le fait que pendant l'enregistrement du dernier épisode, on se soit donné et qu'on ait chanté comme des Mongols, ça a pas, ça a peut-être pas aidé notre voix non plus. Oh, je suis habitué de chanter, Maxime. Ouais. Ben, en fait, depuis peut-être un an ou deux, non, peut-être un an, hein, peut-être, ouais, je dirais un an, j'ai pris l'habitude de chanter dans mon char. Oh. Ouais, ce qui fait que de un, j'ai développé un petit peu mon talent de chanteur là, sans avoir un grand talent, au moins je suis capable de suivre un petit peu la courbe de musique. Deuxièmement, je pense que je suis plus de bonne humeur dans ce temps-là, dans les moments où est-ce que je chante, que je me donne, c'est comme il y a plein de joie qui remplit mon cœur puis qui remplit mon esprit, comme les moments où je te vois puis je te regarde dans les yeux. Oh. J'allais chanter une chanson, mais j'ai comme pas l'air qui fit avec les paroles que j'ai dans la tête, fait qu'on va laisser ça tomber. Ah, je te comprends parfaitement. J'étais un petit peu... J'étais un peu triste, Maxime, quand j'ai fini de travailler à l'école. Je travaille au service de garde, pour que ceux qui ne savent pas, dans une école de la commission scolaire de la capitale. Puis, je demandais à mes élèves cette semaine... Qu'as-tu demandé à tes élèves? Nommez-moi une chose, la chose que vous préférez de Noël. La vengeance! La vengeance! Je vais raconter l'anecdote, ils ont trouvé ça très très drôle. Puis ils me croyaient pas au départ, mais c'est vraiment vrai. Est-ce qu'on l'a déjà raconté? Si on l'a pas raconté, l'a pas raconté au 17 ans. On va la raconter après. On l'a, mais c'est quand même très drôle. Ouais, ben attends, je vais commencer par dire qu'est-ce qui était advenu de la question que j'ai posée à mes élèves. Ouais. J'avais 19 élèves, il y en a 3. 3 élèves qui m'ont répondu qu'ils aimaient voir leur famille, puis que c'était la famille qui était le plus important dans le temps des fêtes. Ben c'est bien ça veut dire qu'il y a de l'harmonie puis du plaisir dans leur party de Noël. Les 16 autres élèves sont des capitalistes finis. Non, oui. Pas des petits Steve Jobs. Oui, ils ont dit que tout ce qu'ils voulaient c'est déballer des cadeaux. Déballer des cadeaux. Mais en même temps, c'est vrai que le recevoir des cadeaux, c'est un moment heureux. Ouais, ça demeure un moment heureux. Je pense que la problématique avec le don de cadeaux et l'échange de cadeaux dans le temps des fêtes, c'est le caractère forcé derrière le geste. Oui, mais ils ont quel âge, tes élèves? Ils ont 12 ans. Ils ont pas nécessairement encore compris la valeur des cadeaux qu'ils reçoivent. Oui, effectivement. Par contre, je pense que... Il y a quand même un bénéfice du tout à leur donner. Là. C'est encore des enfants. Ouais, là. C'est un problème de société, le rendu là. Si ton enfant a l'attente de recevoir un cadeau sans aucune raison valable autre que c'est le 25 décembre, je pense qu'il y a un problème. Qui a été sage toute l'année. Qui a été sage toute l'année. Quand même, là. Faut pas y enlever ça non plus. Là. C'est vrai, effectivement. Mais enfin, on peut. J'aimerais ça ne pas en donner de cadeaux puis ne pas en recevoir non plus. J'aimerais ça juste être avec les personnes que j'aime, leur faire des câlins, malgré que là, je suis malade depuis 3 jours puis que je tousse comme une fumeuse de 59 ans parce que là, je viens de vieillir d'un an juste à vous raconter tout ça. Ah. L'anecdote de Noël sur la vengeance. Ouais. Okay. C'est merveilleux. Pour mettre en contexte, Guillaume et moi, on faisait partie de la chorale de l'église de Beauport, de Saint-Ignace. Oui. Quand on était jeunes, c'est on chantait pas très bien, mais... Non, non. en tout cas, il y avait besoin de monde, puis nous, on était... Ça n'a pas beaucoup changé, hein? C'était nos postes, hein, non. Faudrait pas qu'ils entendent nos petites chansons. Il hein. aurait fallu qu'on continue de pratiquer avec Sœur Jeanne d'Arc. Sœur Jeanne d'Arc. Est-ce qu'elle est vivante, elle? Je sais pas. Je sais pas, hein. Je sais pas, je l'ai pas revue, hein, depuis que j'ai changé de confession. Je ne peux me prononcer sur ces mots. Mais bon, enfin, Sœur Jeanne d'Arc, c'était elle qui... Elle jouait-tu de la guitare, Sœur Jeanne d'Arc, ou c'était l'autre madame qui était là? C'est des détails flous, là. Moi, je me souviens que je disais des blagues. C'est vrai, puis qu'on buvait du jus de pêche. Ça, c'est très, très important. Mais bref. Là, on arrive le soir de la messe de minuit, puis je sais pas si on allait la messe de 7h. Messe de 7h qu'on allait, bon. Ouais. Enfin, de la messe de Noël à 7h, puis le curé donne la messe, tout se passe bien. Nous autres, on chante très très mal, mais on était une très belle chorale, beaucoup d'amis. Puis là, arrive le moment où est-ce que le curé nous fait assire dans les marches tous les enfants qui chantent la chorale. On va peut-être tout en bas de 12-13 ans, là, à peu près. Ouais, ouais, à peu près. Puis on s'assoit dans les marches, puis là, le curé, il nous pose quelques questions à propos de Noël. Des questions sur Jésus. Mais la question qui a retenu l'attention, c'était la suivante. Nommez-moi une valeur de Noël. Fait donc, là, le curé, il passe, les enfants disent « Ah oh, ben c'est l'amour, le partage. » Oui, oui, l'amitié. Ben, oui, des belles petites valeurs ben, de oui. Noël. Là. Puis là, arrive ton Guillaume, toi. Ben, c'est parce que j'avais cette mentalité de « Il faut que je trouve quelque chose. » Tu sais, tout avait déjà été dit, puis là, je ne me tentais pas de répéter la même chose que quelqu'un d'autre. Ouais, j'étais très compétitif, ça a pas... Ouais, ça a pas changé. Fait que le curé arrive à moi, il me pose, c'était-tu un curé ou un prêtre? Je n'en sais que trop rien. J'ai même pas la différence entre là. Ouais, fait que il vient me voir puis il me dit, tu peux, t'es-tu capable de me nommer une valeur? Je pense même que j'avais levé la main. Enfin bref, il vient me voir puis là je dis, ouais, la vengeance. Le froid dans l'église. Là j'ai une justification. Je dis, ben oui, le roi il avait envoyé ses soldats pour tuer Jésus, pour se venger. Puis là le curé était comme. ouais. Mais en même temps, tu sais, tu peux pas me reprocher de ne pas connaître l'histoire de mon christianisme. Je veux dire, c'est ça qui est arrivé. Le roi était jaloux, il voulait tuer Jésus. Fait qu'il a fait tuer tous les enfants, puis on connaît la suite de l'histoire, hein. Jésus s'est sauvé en Égypte avec sa famille, puis il courait vite pour un bébé quand même. ouais. Ben je pense plus que c'est son papa parce que ben écoute, on va en parler justement de Jésus. Jésus plutôt que de venir comme un grand soldat puis tuer tout le monde, il est venu comme un bébé. Puis ça, je trouve ça cool. Ben oui, mais en même temps, si Marie avait accouché d'un soldat adulte, ça aurait été ben non, mais Dieu, il aurait pu décider de dire, ben de la merde, moi j'arrive sur Terre, puis je scrape tout, j'envoie un déluge comme j'ai déjà fait, mais non, il est arrivé comme un bébé. Très vulnérable. Très, très vulnérable. Puis il a quand même sauvé la Terre. Ben, c'est fou, là. C'est malade. Je veux dire, c'était un humain de niveau 1. Pis, oh, ouais, c'est ça. Il a upgradé en mage assez vite, là. Puis là, non, mais fais juste y penser une seconde. Marie, elle a déjà changé la couche à Jésus. C'est drôle. Ben, c'est mais non, il y a pas dû avoir beaucoup de monde qui ont vu le petit engin à Jésus, là. Ben, sûrement pas, mais Marie, elle l'a vu, puis à part de ça, elle a sûrement joué à Gaga Gougou avec Jésus. Elle a fait des cache-cache-coucou. T'aurais-tu aimé ça faire des pets sur le ballon Jésus? J'aurais aimé ça faire des pets sur le ballon Jésus, quand je pense. Je la trouve chanceuse, Marie, puis si je la rencontre un jour, j'aimerais ça lui demander comment est-ce qu'il était Jésus avec ses petits pieds, tu sais. C'est pas le genre de question que je pense quand je pense à Jésus, tout comme quand je pense à un Roger. Hein. Ben non, effectivement, hein, ce cher Roger. Hein. Roger, c'est notre grand-papa. Grand-papa. C'était notre grand-papa. Ben, ça demeure notre grand-papa, même s'il est décédé. Ah ben, logistique, oui, là, oui. Mais... il est plus là, Roger. Mais on peut pas dire que Roger, c'est notre grand-papa. T'sais, non, fait comme, effectivement. Ouais, pointe-nous-le, ben on peut pas. Non, on pourrait... Non, effectivement, on peut pas faire ça. Parce qu'il est réduit en cendres, hein. C'est quand même, là. C'est ça qui arrive. Voyons. Ça vient comme de créer un fret au 17 avenue des Pins. Je sais pas, c'est bizarre. Bon, Maxime, ta semaine, toi, qu'est-ce que ça nous dit, ça, ta semaine? Ben, j'ai fait des enregistrements. Ben, en fait... Je travaille sur genre 8 projets en même temps parce que je suis pas capable de m'arrêter sur une idée. Ok. Puis ben là j'aide David Super Megadav à faire son compte des étoiles du match. Ah. Je suis en train de faire une pub mystère. Ouh. Que vous allez peut-être voir sur une chaîne, je dirais pas laquelle, la semaine prochaine. Oh. Pis, wink wink. Wink wink wink. Vous pouvez voir mes yeux là, mais je fais des clins d'œil à répétition. Ah, il y en a fait au moins 40. Au moins là. Oh oui. Puis je travaille aussi sur un jeu de société. Que ça aussi, je vais pas en dire trop, même si j'en ai déjà parlé un peu quand Christian était là, si je me trompe pas. Puis, Ça, c'est, je l'ai pas fait, mais je conduisais hier, pis là, j'ai entendu la chanson « L'hymne à l'amour ». Oui, okay. Hey, ça, j'aime ça. C'est une belle chanson, hein. Hey, on va faire jouer un court extrait, là, avec Jerry, pis, c'est juste Jerry. C'est Jerry. Oh, ouais. Pis, on va faire jouer ça en régie. Bon, ok. Fait que là, écoutez, pis là, moi, je me suis dit, hey, ça serait hot de faire un AMV. Tu sais quoi des AMV? C'est des animé music vidéo. Ah oui, oui, dans le fond, oui, tu oui, prends oui, des bouts de d'animé, tu mets ça sur une toune, puis là, tu essaies de faire fitter ça. Des fois, c'est drôle, des fois, c'est touchant. Et là, moi, en écoutant l'hymne à l'amour, j'avais pensé faire une vidéo, genre, une lettre d'amour de Vegeta à Goku dans Dragon Ball. Okay. Puis là, j'étais comme, hey, c'est drôle, j'arrive au deuxième... Super Saiyan, je me ferai teindre en blonde. J'arrive au deuxième couplet, il est comme, je me ferai teindre en blonde, je renierai mes amis, je renierai ma patrie, j'irai décrocher la lune. J'étais comme, mais mon Dieu, ça fait beaucoup trop, faut que je le fasse. Puis là, j'étais comme, faut pas que je l'oublie. Fait que j'étais arrivé chez mon cousin, puis le premier truc que j'ai fait, c'est j'ai écrit à Félix, hey, faut pas que j'oublie ça, là, AMV Dragon Ball, hymne à l'amour. Il devait se poser beaucoup de questions, c'est genre trois choses que t'entends pas dans la même phrase. Là. C'est vrai, mais là j'ai dit mes arguments, il est comme, oh mon Dieu, c'est parfait. Puis toi, ta semaine, as-tu un petit quelque chose à dire avant qu'on arrête ça? Ben écoute, je tombe en vacances, oui et non. Je suis en vacances de l'école, mais pas du bowling. Le bowling, ça continue full pin. Au moment... Full pin! <C'est drôle. rire> King pin, en tout cas. J'ai des vacances le 27 et le 28. 27-28, je m'en vais à Rivière-du-Loup avec Rosalie. On s'en va un petit périple entre amoureux. On va faire de la raquette puis on va s'amuser. Ça doit être long quand même, marcher de Québec chez Rivière-du-Loup en raquette. En raquette, ben, c'est beaucoup plus long. Faut que tu comptes un pourcentage. Normalement, ils disent à vol d'avion, là, mais à vol d'oiseau. Là, mais nous autres, on passe par les sentiers sinueux du troisième lien. Ah ben... Mais le troisième lien, il relie Québec direct à Rivière-du-Loup. Ah ben, j'ai hâte de l'emprunter, ça. Ouais, on ira ensemble l'année prochaine. Oh, et on ira. Fais-moi confiance. Hi, my name is what? My name is what? My name is... 17 Avenue des Pins! J'ai pensé à vous autres, les gars! Ben, t'as pensé à d'autres quand, là, quand t'étais dans ta douche, aux toilettes... Avant de m'en venir, je vous ai préparé un petit cadeau! Oui! Mais pourquoi tu me parles au pluriel? Ben, parce que Charles-Alex... Charles-Alex est avec nous, parce que je sais plus si c'est Alexandre ou Alexis! C'est Alexandre, hein? Ah, Charles-Alex est avec nous! Hey, yeah! Yeah! My name is Charles-Alex. Ouais, c'est ça. Hey, Charles-Alex, Maxime, joyeux Noël! Ben, merci à... Joyeux Noël à toi, même si c'était il y a quelques jours. Oui, effectivement. Je vous offre le cadeau, c'est un cadeau à partager. J'espère que vous allez aimer ça. On a des belles sens en regardant dans les yeux. Ok, ah, c'est bon. Oui, mais je vais reprendre le sac après, par contre, parce que je n'ai besoin. Là. Veux-tu nous chanter une petite chanson d'amour, là? Chante dans ton char, tu vas être capable de chanter devant moi. Hey, j'ai une chanson d'amour ou de Noël? D'amour, ok. Ok, ben on va chanter l'hymne à l'amour, justement. Ok. 3, 2... J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde, non, si tu me le demandais. On est dans le cerf. J'irai loin de ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandais. Oh mon Dieu. J'irai décrocher la lune. C'est des vrais? C'est des vrais, à part de ça. C'est pas écrit sur le bâton, mais c'est des vrais. Des whippets! Oh oui! T'as tellement envie qu'on va manger ça. Hey, chacun un bon whippet. Tu utilises la technique numéro combien pour manger tes whippets? Je crois qu'avec des palettes. Ah, ok. Moi, je liche le chocolat, mais tu sais, genre, je le décolle. Ah, c'est pas fou, ça. Hein? Il est plus son whippet. Première fois, j'ai vu ça. Ouais, des fois, je l'épluche aussi, mais là, je suis les palettes. Ah! Ouais. Bien, merci, on est vraiment heureux. Ouais, c'est vraiment plaisir. On a vécu un beau moment. Je sais que ça vous ferait plaisir de manger un bon whippet en parlant de Charles-Alex. Parlant de pet, hein? Ouais, c'est ça. T'es qui, toi, Charles-Alex? T'es un gars avec la bouche pleine. Ouais, mais quand t'as pas la bouche pleine, t'es qui? Parce que tantôt, avant de manger le whippet, t'avais pas la bouche pleine. Ça veut dire que t'étais plus Charles-Alex? Effectivement. Oh. Mmh. Dans je suis Charles-Alex seulement avec Maxime parce que j'ai tout le temps la bouche pleine. Non, on va faire une courte pause. Alex va se... Pour ce malaise, ok. Remplir la bouche. Alors, je suis un homme dans la quarantaine. J'aime le ciel. Non, ok, non, non. Ah, on te laissait slammer, là. Oh, ouais, c'est ça. Là. On aurait dit... Mais c'est Sonia. Hey, en parlant, justement, une grenade avec ça, ça me fait vraiment rire ces temps-ci, parce que j'arrête pas de regarder les mimes d'une grenade avec ça. Moi, il y en a un. Ben ouais, j'ai rendu des mimes full local. C'est tellement drôle. Oui, c'est tellement drôle. Parce que même les mimes fucking fruités, genre, ils mettent ça là-dessus, pis c'est vraiment drôle. Puis récemment, j'ai revu Miss Sonia, pis je me souviens encore de la chanson de Miss Sonia, pis c'est vraiment drôle. Hey, je m'en souviens vraiment pas, tu sais. Miss Sonia, le rap, c'est ma vie. Pensez-vous aussi. C'est épouvantable. Ça, c'était l'émission que j'en regardais quand j'étais jeune, genre que j'avais plus rien à regarder. Là. Arrête! Nous autres, on arrivait sous l'heure du dîner, que c'était une grenade avec ça. Je me souviens vraiment plus des horaires. Oui, non, ça, c'était Radio Enfant. Ah, Moses. Mais en tout cas, il me semble que ça passait sous l'heure du dîner à un moment donné, puis qu'on se battait avec les filles pour écouter les Looney Tunes, puis elles voulaient vraiment regarder une grenade avec ça. C'est vrai qu'on trippait pas tant que ça sur une grenade avec ça. Non, mais quand même, c'était drôle. C'était quand même mieux que Real TV. On ben oui, là. C'est sûr. Mais, fun fact, Jean-François Harrison a joué dans les deux. Ouais? Ben oui. Dans Real TV? Ben oui. Ah oh non, c'était pas lui. Non, c'était pas lui, c'était... Tu sais comment il s'appelle? Il jouait Kevin. Il jouait Kevin? Ouais, ben il y avait un noir dans Real TV. Là, t'es bien raciste. Ben j'ai associé Jean-François Harrison noir, tu sais, hein? Mais un plus un fait deux. Bon, arrêtons ce raciste, donc... Ok, oui. Charles-Alex, tu n'es pas un homme dans la quarantaine, on s'entend? Non, c'est sûr. C'est pas Jean-François Harrison non plus. Non, c'est bien de faire la différence. J'suis un bleu, comme ils disent en anglais, j'ai... Dabadi. Ouais, c'est sûr, j'ai 17 ans, là, je m'en vais sur mes 18. Ok, donc tu viens de finir le secondaire. Ouais, c'est sûr, là, j'ai eu mon diplôme, là, fait que... C'était comment, ce processus-là? Moi, j'ai très peu de souvenirs. Ouais, moi aussi. Vous avez des très bons souvenirs? Non, j'ai très peu de souvenirs. Ah, mon Dieu, j'ai... On avait choisi une toune d'entrée, puis à la dernière minute, le gars qui mettait la musique, il l'aimait pas, puis il l'a changé. J'ai dit, ok, une chance que j'étais dans le comité organisateur. C'est cool. Ah non, mais... J'ai vraiment eu du fun, là. Tu sais, j'étais le chouchou de mes directrices, puis j'étais comme un peu le gars populaire au secondaire, parce que j'étais drôle, là, fait que là, le monde m'aimait, fait que c'était pas mal ça. Je faisais de l'impro, je faisais beaucoup de musique. J'étais vraiment impliqué, là. Tu sais, j'étais le gars qui courait partout, puis qui avait pas deux secondes. Ouais, je comprends. C'est le genre d'ami que tu veux pas avoir, vu qu'il est jamais là dans les parties. Genre le luduc de l'école secondaire. Les parties, je trouvais le temps de me saouler ben comme du monde, par exemple. Pas 18 ans. Voyons, tu peux pas te saouler. Il y a même pas 18 ans. Attends, tu viens de manger un Whippet, tu fais croire que tu casses du rhum. C'est du jus de pomme. Ouais. Ok, vous faisiez à croire que c'est de l'alcool. Ouais, c'est ça. Chip liqueur, genre. Ouais, chip liqueur. Quel chip t'aimes le mieux? Eh boy. Parce que ça va c'est les Miss Vicky. Miss Vicky? Au Jalapenos. Ah, pas Jalapenos. Jalapenos. Si tu veux être vraiment mexicain, tu vas y aller avec un Jalapenos. Ouais, Jalapenos. Mais tu prendras pas les Miss Vicky. Puis si t'étais un peu plus comme arabe, tu irais avec des Jalapenos. Bon, deux racistes en deux. Oh non, trois racistes. Bon, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je pense qu'on a plus le droit de parler. On devrait faire la toune de la multiethnique. La toune de la multiethnicité. Ouais, t'es-tu prêt? Ok. Et 1, et 2, et 3. La toune de la multiethnicité. Ralala. Okay. Hey, pour vrai, Jules Parent, votre ami. Ouais, c'est ça, là. Hey, là, voilà. Fait de la grande radio aujourd'hui. Des piquets sales. Ah, des piquets, des piquets. Ton amant. J'ai pas dit Eric Duhem, j'ai dit Jules Parent. T'es où sur la boussole électorale? Il l'a là, je suis. Parce que là, tu vas bientôt pouvoir voter, là. Fait que faut que tu commences à penser à ces affaires-là. Mm-hmm. On va te cuisiner bien comme faut. Je suis comme il l'a là. Ouais, c'est une bonne question, les gars, parce que. Je m'informe peu sur le sujet. Ah, il est républicain? Ouais, je suis républicain. Il est républicain? Il s'informe pas? En fait, je suis plus... j'aurais voté pour Bernie Sanders. Ok, t'es très gauche. Je suis très gauche. Okay. Ouais, mais pour un Américain, je serais très gauche. Oui. Je serais un peu gauchiste pour un Québécois. T'es gauchiste? Mais en même temps, j'aime le capitalisme. Tu sais, c'est con. Tu sais, je suis comme pas... Ok, t'es pas, François Legault. Pas, ouais, c'est ça, je suis peut-être. En même temps, c'est initial, c'est CAC. CAC. Oh mon dieu. Mind blown, ça nous vaut un petit jingle des Illuminati. Et voilà. Ben moi en fait je serais parti d'une Oceros. Ah ok. C'est ce qui me décrit. Ben vote pas s'il te plaît. Ouais. Ben un vote c'est un vote. Ouais, ah, mais ben, ouais, hein. ils ont une clause dans leur parti que si un de leurs membres est élu, ils démissionnent tout de suite. Hein? Non. C'est vrai. Si admettons tout le monde se dit ok ben là le Québec au complet vote Rhinocéros, pis que sont tous élus, ben ils vont juste tous démissionner pis il va y avoir une deuxième élection. Ok, fait qu'il va y avoir des partiels si jamais t'élis un rhinocéros, s'il vous plaît, élisez ouais, pas ça. Un rhinocéros. Hey, c'est vraiment épouvantable comme plan, les partiels. Là. Ben déjà ça coûte cher les vrais, quand t'en fais d'autres, là, ça finit plus, là. Ah, heureusement qu'ils ont jamais été élus pis qu'ils le seront jamais. Ben non, de toute façon, ça n'existe plus. Je pense pas, je pense que c'était genre dans les années 90. Non, ça existe encore. Ça existe. Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais. Ouais, ça existe encore. J'ai une amie à 17 ans, puis elle est secrétaire de parti, là. C'est vraiment absurde comme. C'est zéro sérieux comme parti. Ouais, ouais, ouais, je sais, c'est zéro sérieux. C'est des belles grosses blagues. Je me souviens à un moment donné, j'en lisais une couple, là, dans un examen de français au secondaire, puis il y en a un, c'était genre installer un gros miroir entre Québec puis Lévis sur le fleuve pour que Québec puisse voir comment ils sont beaux de vue de l'autre côté de la ouais, ville. Ouais, c'est ça. Il y avait aussi pavé le l'Ontario oui. au complet, puis le Saint-Laurent pour faire le plus grand parking au monde. il voulait pas aussi réduire la vitesse de la lumière. Oui, il voulait. Oui. Un des meilleurs, je trouvais, c'est mettre la dette du Québec sur une carte de crédit puis la déclarer volée. Moi, ouais, ça monte. Abolir l'environnement parce que ça sert absolument à rien. Un paquet d'affaires. Les rhinocéros, je trouve c'est drôle, mais en même temps, je trouve c'est complètement ridicule. Non, c'est ça, c'est voté pour rien. Là, ah ouais, c'est ça. T'as qu'à se rendre chez vous puis votre coucher. En même temps, c'est des grosses licornes. Les rhinocéros. C'est ça. Des licornes à base, finalement. C'est ouais, genre ouais. La risée des licornes. Le peuple ouais. Des licornes, c'est genre eux autres, c'est les gros laits, là. Ouais, ouais. Ils les envoient là. Ils ont même pas de poil en ouais, plus. C'est ça, ouais, ben, tu sais, en même temps, le poil d'une licorne est assez, assez gros. Mmh. Ben, je veux dire la queue, pis. Ouais, ils ont des, une crinière. La crinière. Mais c'est, ça s'installe des cheveux sur un rhinocéros. Y'a-tu quelqu'un qui est bon en Photoshop dans nos auditeurs? Christian, tu peux-tu nous photoshopper ça, là? Rhinocéros avec une crinière et une queue, s'il te plaît. Ouais, s'il te plaît. Ok, un ange qui passe. C'est une tradition, ça, dans ma famille. Tu sais, ça vous arrive-tu des fois dans vos soupers de Noël, vos parties de famille, que, admettons, vous êtes 18 autour de la table, là, tout le monde parle, tout le monde rit, il y a les matantes qui crient. Tu sais, il y a toujours une hostie de ma tante qui crie, excusez, j'ai sacré, mais... Ouais, là, faudrait arrêter. Elle est tout le temps assez à côté de moi. On pourrait se faire un pote à 25 cents à chaque fois qu'il y en a un invité qui sacre. Tellement, c'est sûr que... Ben, un invité, toi aussi, là. Hey, mon Dieu, tu pointeras le dernier sac que j'ai fait. Ben en tout cas, finalement mon histoire, c'est ça, c'est que tu sais 18 puis ça arrive. Moi en tout cas, ça, dans ma famille, ça arrive tout le temps où il y a un moment que tout le monde se tait en même temps. Ah oui, ben c'est classique dans une foule en fait. Je veux dire sans avoir une étude puis des statistiques là, je veux dire le nombre de fois où est-ce que en classe j'ai besoin du silence, puis il y a un tweet, il se commence à parler, puis là il finit sa phrase, il y a 2-3 personnes qui rient autour de lui, pouf, tout le monde arrête de parler d'un coup, puis là je suis comme. Hey, mais voyons, c'est magique ça, tout le monde a comme arrêté de non, parler. Non, c'est vraiment rare. Mais moi, ça arrive, je pense, dans plusieurs groupes. Silence, ça. Tu sais, moi, je suis le gars malaisant dans la famille, je débarque, puis il me renvoie tout de suite. Fait que ça fait un malaise comme en ce moment, finalement. Eh ben, ouais. Je suis malaisé. Ouais, un petit fret niveau 3. Ouais. Vous vouliez me connaître, fret niveau 3. En tout cas, la gomme orbite. Meilleure gomme sans sucre à date. Oui. Attendez, j'ai un fret, j'ai une histoire de fret niveau 10. Ouais. Ok, ben moi un petit fret niveau 10. En avez-vous une histoire de fret niveau 10 juste avant? Je n'ai pas fait. J'ai fait. Comme du monde. J'ai fait un fret niveau 9 moi personnellement à mon travail. Je sais pas si je te l'ai déjà raconté. Non. J'arrive au travail. Je travaille au bar cette journée-là. Okay. Camille travaille au comptoir. Camille c'est ma collègue. Puis moi je passe vers l'extérieur. Puis vers l'extérieur il y a une vitre. Ou le photocopieur, ok? Puis de l'autre bord de la vitre, ben c'est le parking, puis à l'intérieur, ben c'est le photocopieur. Puis là, Camille, elle faisait ses copies au photocopieur. Moi, j'arrive à la job, je la vois l'autre bord, elle est en train de faire ses copies. Fait que je m'approche de la vitre, puis je verge dans la vitre du plus fort que je peux. Fait que là, elle a fait le saut vraiment beaucoup. Ça, c'est très drôle. Puis là, elle était un petit peu, tu sais, elle était comme, voyons, j'ai failli faire une crise cardiaque. Puis là, plus tard dans la soirée, elle était au téléphone en train de prendre une réservation. Moi, j'étais allé chercher les pichets dans la salle de quilles. Je n'avais à peu près 3-4 dans les mains. Puis j'arrive au comptoir, puis je les ai toutes déposées très très fort sur le comptoir. Puis elle a fait un saut pendant qu'elle prenait une réservation. Puis elle était fâchée, là. Mais fâchée comme jamais, là. Camille, je pense qu'elle a le tempérament un petit peu bouillant, mais là à ce moment-là, je pense que c'est le plus fâché que je l'ai vu ever. Alors, okay. Elle criait après moi, elle voulait pas me parler, puis elle me faisait les gros yeux. Elle était vraiment fâchée. C'était pas ça mon intention c'était de lui faire peur un peu, mais là, elle a eu peur, mais elle était fâchée, là, beaucoup. Oh, là. Aïe, aïe. Ben, fait que toi, tu penses-tu qu'elle t'a qualifié d'un 10? Ouais, un 10, faut qu'elle pleure. Faut qu'elle pleure. Ça pleurait, là. Okay. Ah, ben, ça pleure, c'est un 10. C'est un 10 automatique. C'est même pas à cause de moi, mais ma vie, c'est un frais de niveau 10. Pour vrai, là, j'en ai 3 millions d'histoires de même. Je vais commencer par la. Ben, je veux dire, tu sais, t'es venu au monde, ta mère a dit on l'appelle-tu Charles-Alex ou ben Fret. Ouais, c'est ça. Ils ont Charles-Alex. C'est un frais de niveau 10. C'est ça, la seule histoire que je me rappelle pour l'instant, je voulais contrer les autres, je m'en rappelle plus tard. Là, ok, on est autour d'un feu en secondaire 4. Pis tu sais, des questions secondaire 4 quand même, là, tu sais, il y a quelqu'un au jeu un genre de vérité conséquence, ça c'est typiquement secondaire. Okay, ils ont fait un feu dans la classe. Avec des filles, là. Ouais, c'est ça. Non, c'était un soir, là, chez une fille, pis il y avait. Ils ont brûlé sa maison. Hey, mais quand il dit ça, c'est genre l'année passée. non, en secondaire 4, c'est l'année passée. C'est le 2 ans, parce que là, j'étais au cégep. Ouais, effectivement, c'est v'là 2 ans. Ben, c'est des parents, tu fais pas des. V'là 1 an et demi, maintenant. Non, c'est exactement v'là 2 ans parce que. Tu faisais des feux en hiver, là. Non, en octobre. C'est en fin. Non, début octobre. Ok, fait que ça fait 2 ans. Ça ouais. fait 2 ans. Pas 2 ans. C'est ce que je disais. Ok, c'est bon. Bref, c'est ça mon histoire. On est toute une gang auto. Puis là, il y a quelqu'un qui lance une vérité, mais pour tout le monde. Bon, quelle personne, avec quelle personne vous aimez, vous, genre, vous attirez sexuellement, peu importe. Là. Fait que là, déjà en partant, ça fait un malaise. Fait que là, on y va à tour de rôle. Ah. Puis il y a dit Pauline. Il y a dit Pauline. Quoi? Pauline Marois. Aïe, c'est... J'avais tellement pas saisi la blague, là. C'est ça, ben là, on compte, ok, ben moi c'est elle. Pis y a mon ami Poivre, la pieplée Poivre, parce qu'il fait de l'impro, pis vous le connaissez, mais tu sais, je dirais pas son nom, parce que c'est chien. Pis y a une fille qui s'appelle Salière, ok, parce qu'elle aussi a fait de l'impro, pis c'est chien. Pis vous la connaissez aussi. Fait que là, mon ami Poivre, c'est à son tour, pis à la place de dire, moi c'est Georgette qui m'excite le plus, non, il dit, certainement pas Salière! Parce qu'il savait pas qu'elle était autour du feu. Pis Salière, c'était comme un meme. Tu sais, c'était comme un peu la fille d'elle. Genre que tout le monde riait d'elle. C'est la what grandma. C'est ça, c'était comme un peu la souffre douleur. Fait que là, certainement pas Salière. Là, elle est partie en pleurant. Gros malheur, je dis. Ben, c'est parce qu'elle était autour du feu, con. Fait que lui, il fait. Ah! Je suis un peu déçu, je pensais que c'était toi qui avais fait de la frette. Ouais, non, je suis un peu déçu. Mais en même temps, c'était un bon frette. Un bon frette solide. En pleurant, puis le fait cocasse là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, Poivre pis Salière sortent ensemble. Oh, ouais. Hey, je pense que Salière. M'a dit, comme qu'on dit, d'un conte du pays d'en haut, tout est bien, qui finit bien. Et voilà. Hey, how's it going, bros? My name is... Oui. Donc, si vous avez pas compris, Guillaume, moi et Charles-Alex, on est tous les trois improvisateurs à la LIPRA. C'est exact. C'est quoi ça, la LIPRA? La LIPRA, ben, c'est une ligue d'improvisation au Patro Rocabadour, d'où l'acronyme LIPRA, qui reprend le service la 3e de janvier pour le public. Donc, j'ai pas la date exacte, mais c'est tous les lundis à 19h30. What? 19h30? Ouais, c'est ça. 19h30! Jusqu'à 21h, on a de la bière pas chère, fait que vous viendrez nous voir. J'espère que vous viendrez, c'est malade. Vous viendrez de la bédaine à Ben. C'est tout. Hein? Ouais, ben c'est à peu près la seule chose qui est drôle dans le spectacle. Hein? Ouais, plus sûr. Nous trois. Ouais, oh yeah! Oh yeah! High five! On est les furieux frangins. Hein? Fait que c'est quoi ça, l'esprit tordu, Charles-Alex? Ça, l'esprit tordu, c'est un jeu que j'ai acheté en faisant un malaise niveau 3. Ça, c'est un jeu que vous achetez seulement dans les sex shops, puis que je suis allé acheter avec mon père. Ok, fait qu'il y avait un monsieur et un enfant dans un sex shop, aller chercher un jeu Ou est-ce qu'on parle de sexe. De sexe. Connexion sexuelle, et voilà. Ah, je comprends. Ah, moi j'aime bien ça. Ça va être pas mal fun. Ça risque d'être un petit peu pour le public averti. On devrait mettre un avertissement maintenant. Avertissement. Si ça vous choque d'entendre des trucs sexuels, eh bien, soyez choqués pendant les 10 prochaines minutes. Merci. On va y aller tout de suite avec un exemple. Peux-tu nous donner juste un exemple? Oui, alors, premièrement, je vais expliquer c'est quoi l'esprit. Le jeu Esprit Tordu, c'est comme le style jeu. Sauf que, tu sais, il y a des cartes avec des trous à l'intérieur, avec des phrases avec des trous. Puis là, que toi, à place d'avoir une carte, tu mets ta carte pour remplir le trou, ben c'est ton imagination qui remplit le trou. D'où le lien avec le fait qu'on soit improvisateur. Ben oui! Voilà! Fait que c'est ça, alors on met une carte sur le jeu, puis là après ça, ben le but c'est de remplir le trou, les trous, puis c'est d'être le plus drôle possible, de surprendre. Mais là, Fait qu'admettons là, j'ai la phrase, on a trois petits points, la bouche pleine, point d'exclamation, ça risque de trois petits points et de trois petits points. Fait qu'on pourrait dire, on ne court pas la bouche pleine, ça risque de faire mal et de provoquer le cancer. Et voilà. Exactement, ce serait le genre de truc qu'on pourrait dire. Ok, c'est bon, tout est clair. Et voilà. Super. Fait que c'est qui met une carte en premier? Vas-y Maxime. Okay. Vas-y Maxime. Je vais y aller. Je vais essayer d'en faire une qui a pas trop de trous là, pour commencer. Ils ont tous trois trous, je pense. Non, celle-là, il y a juste deux trous. Ah, j'ai ouais. Le goût de trois petits points lorsque tu trois petits points. Okay. Charles-Alex. Moi, j'ai le goût de courir quand tu me... regarde dans les yeux, parce que tu me fais vraiment peur, pis t'as une barbe. Je parle à Maxime. Merci, Charles-Alex! Guillaume! Ouais, j'ai le goût de Burger King, tadam, quand tu me lèches les doigts. C'est tellement bon! C'est tellement ce que je voulais dire! Ben, moi, je veux dire que j'ai toujours le goût de goûter lorsque tu utilises mon goût. Ah, ben, c'était de mauvais goût! Ok, c'est à mon tour là. De te jouer un mauvais tour. Oui. Ok. Ma trois petits points me surprend à chaque fois que j'essaie de mettre trois petits points dans les trois petits points. Ok. Peux-tu déposer la carte que je puisse la lire en même temps que je construis dans ma tête? Ok. Ma chèvre me surprend à chaque fois que j'essaie de me frotter dans les bois. Hey, c'est bon, c'est très bon, c'est très bon. Moi, ma femme me surprend chaque fois que j'essaie de me laver les mains dans les toilettes. Ok. Moi, ma perspicacité me surprend à chaque fois que j'essaie de me faire prendre dans les toilettes du Resto Bar. Barbie's Resto Bar Grill. Barbie's. Hey, ça, c'est vraiment bon. Si trois petits points était un homme, elle serait certainement trois petits points car elle est trois petits points. Attends, je sais pas où j'allise là. Ok. Si Pauline Marois était un homme, elle serait sûrement François Legault car elle est Jean Charest. Si Janine Souteau était un homme, elle serait sûrement Gilles Latulippe car elle est pas drôle pis elle est morte. Si Diane Dufresne était un homme, elle serait certainement capitaine. Car elle est romantique. C'est bon, c'est bon. Oh. Oh mon dieu, c'est sa meilleure carte à date, on se réchauffe là. Tu, trois petits points, beaucoup trop vite. Je n'ai même pas le temps de trois petits points et tu es déjà trois petits points. Ok. Tu pars beaucoup trop vite, je n'ai même pas le temps de te piéger dans mon piège à ours, que tu es déjà parti. Hein? Eh ben. Eh ben, c'est ça. Tu conduis beaucoup trop vite, je n'ai même pas le temps de me mettre du mascara et tu es déjà parti de la lumière rouge. Ah, c'est bien. C'est original. Ah ben oui. Hein? Tu cours beaucoup trop... Ouais. En courir, hein? Tu... trois fois, hein? Ouais, attention. Tu, Roadrunner, cours beaucoup trop vite. Je n'ai même pas le temps de appeler Acme pour mes nouveaux pièges et tu es déjà derrière moi en train de me faire tomber en bas de la falaise. Oh, c'est sacripant. C'est pas pire, hein? Ok, oh, j'ai une carte spéciale. Elle n'a pas de trou. C'est une question simple. Ok. Oh. Alors, vous êtes propriétaire d'un club de danseurs nus. Quel nom porte votre commerce? Découverte. Kevin Faneuf, distributeur depuis 1992, c'est ça son métier. Discovery Channel. Pis toi, Charles-Alex? Moi, j'appellerais ça la débroussaille. Mon oncle cochon s'abstenait. Ah, ben c'est. Ah, ben quand même. Pire, hein. C'est bon. Tu ne rentreras pas tout ça. Le PLQ! Ok, excuse-moi. Afin d'éviter les trois petits points, vaut mieux trois petits points, les trois petits points plus souvent. Hey, mon dieu, j'ai rien compris. Afin d'éviter les trois petits points, vaut mieux trois petits points, les trois petits points plus souvent. Afin d'éviter les bas sales, vaut mieux laver ses bas les mardis plus souvent. Ah, ben oui. Ben oui. Ben oui. Afin d'éviter les collisions, vaut mieux ne pas vous promener en voiture. Hein? Plus souvent. Plus souvent. Okay. C'est beau, j'aimerais la dire. Afin d'éviter les piqûres d'abeilles, vaut mieux se frotter avec de l'antiflogistine les bouts de mamelles plus souvent. Et voilà. Tout simplement, c'est clair, net et précis. Hein? Oui. Lorsque vous mélangez sexe et alcool, que se passe-t-il? C'est une question encore. Ok, c'est une question. Ouais, ouais. Là, si vous mélangez sexe et alcool, que se passe-t-il? Je couche sur le divan. écoute, Drummondville. Drummondville. J'ai mauvais tour à Drummondville. J'utilise le porte-manteau sexe et alcool. Quoi? Je me trompe de blonde, pis c'est Rock'n'roll! Ah, je voulais dire le mot valise. Souvenir. Je voulais dire mot valise, j'ai dit porte-manteau. Oh, wow, c'est épouvantable ça. C'était la pire question. C'était horrible. Hey, j'aimerais savoir une question aussi. J'en cherche une présentement. Vas-y, Charlotte. Eh oui, on attend. Ok. Tu te comportes comme une trois petits points en manipulant les trois petits points comme tu le fais. Tu te comportes comme une garce en manipulant les joysticks comme tu le fais. Tu te comportes comme une commune en manipulant les laits comme tu veux. Quoi? Une commune pis une lait. Une lait, c'est la femelle du sanglier. Oh! Donc, tu te comportes comme une commune en manipulant les laits comme tu le fais. Hey, y'a aucune question sur les cartes que j'ai devant moi. Ok, je vais essayer de te trouver. Non, mais Real Chalet, c'est à toi. Ah, c'est à moi, c'est vrai. Ok, tu te comportes comme une fenêtre en manipulant. Les choses que les gens peuvent voir ou pas, comme tu le fais. Hein, venez me voir faire de l'impro, c'est très drôle. Si vous étiez producteur d'un film 3X, quel serait le titre de votre film? Le 17 Avenue des Pères. Y'a pas de message, Léon. Non, non, ok, c'est beau, c'est beau. Ouais. Grand-maman, c'est ton jour de chance. La voix junior. Tourne ta trois petits points pendant que tu trois petits points, sinon je ne pourrai jamais trois petits points. Ben vas-y. Oh, ouais, et c'est pour ça que tu peux le lire. Ok. Ok, ok. Tourne ta tête pendant que tu fais l'acte reproducteur envers un moustique. Sinon, je ne pourrai jamais filmer comme du monde. Tes beaux yeux bleus. C'est tout. C'est tout. Ah, ok. Ah, ok. Tourne ta planche de Monopoly pendant que tu achètes un terrain du chemin de fer. Sinon, je ne pourrai jamais marcher dessus et t'offrir ton dû. Tondu, le verbe tondre? Non, son dû. Ok. Le dû. Ah, oh, l'argent, tu sais, l'argent de la caisse commune. Moi, je dirais, tourne ta page pendant que tu déchires le soir, sinon je ne pourrai jamais... Puis là, j'ai oublié les paroles de la chanson. Tourne ta page! Tourne ta page! Un avion! Ah oui, sinon je ne pourrai jamais emporter un bout de moi. Ah, ben oui. Hey, on peut peut-être terminer un dernier tour de table? Un dernier tour de table? Okay, c'est à moi de jouer, là. Fait qu'on prépare ses meilleures réponses, s'il vous plaît. Ok. C'était-tu à moi de mettre une carte? Ou c'était non, qui? C'était Charles. C'était Charles. C'était Arnaud, attends un peu, je cherche de quoi. Charles. Charlie. Mon dieu, c'est aussi vite que si on jouait avec Ray Charles. Il est aveugle. Ok, c'est bon ça. Quel objet vous fait penser immédiatement au sexe et pourquoi? Quel objet me fait penser immédiatement au sexe et pourquoi? Le pourquoi me dérange un petit peu dans la question là. Je vais dire une tondeuse. Parce que. C'est comme ça que c'était pas circoncis. Non, c'est à cause que c'est un bruit grondant. Ah! Un bruit grondant. On posera pas plus de questions, c'est hein? C'est beau là. Moi je vais dire une poupée Barbie. Parce que, ça me rend nostalgique. T'es jamais sorti avec une poupée Barbie, Maxime? Hey. j'ai même déjà préparé notre chanson pour notre mariage. Veux-tu l'entendre? Oui, vas-y. Avec Barbies, reste au Barbie! Rends-moi! Ok, c'est à toi, Charles-Alex. Oh, wow. Oh, boy. Moi, c'est une guitare. Non, c'est une porte de garage. Ah. Comment ouais. Ça? Ta blonde est handicapée parce qu'elle a reçu une porte de garage non, sur les jambes? Parce que j'en ai jamais eu, fait que j'ai jamais rentré là. Oh! Bon, eh bien, je pensais qu'elle allait dire sa main droite, mais bon. J'ai beau laver, mais 3 petits points souvent, mais il y a toujours ces 3 petits points qui ne partent pas. Il y a toujours, il y a une faute dans la carte, ben voyons. Hein. Ah ouais. J'ai beau laver mes 3 petits points souvent, mais il y a toujours ces 3 petits points qui ne partent pas. Ah. Ben, j'ai beau laver mes boîtes aux lettres souvent, mais il y a toujours ces taxes, ces factures qui ne partent pas. J'ai beau laver mes leaders gouvernementaires souvent, mais il n'y a jamais ces odeurs de l'argent de bandits, de grand banditisme qui ne partent pas. J'ai beau laver mes tis de golf souvent, mais il y a toujours ces touffes qui ne partent pas. Hey, c'est drôle. C'est bien. Et on va finir avec une petite phrase facile. Ton 3 petits points est gros comme une 3 petits points en 3 petits points. Ok. Ton, tu pourras courir tout ce qui bouge est gros comme entre matane et bâton rouge. Il n'y aura personne en ton retour pour pleurer d'amour. Ok, fait que c'est ton retour ouais. Qui était après ouais. Un. Okay. Ouais, c'est sûr. Ah, c'est bon. Ça fit vraiment. Ton chien est gros comme une sacre bleue en Floride. Oui. Ben oui. Oui. Ben c'est logique. Ton podcast est gros comme une rangée d'oranges en spécial. Hey, c'est bien ça. Hey, pas pire, hey, c'était pas pire ça. Hey, ben pendant qu'on est avec des cartes, Guillaume, tu voudrais-tu lire la petite carte que j'ai préparée pour ben oui, Charles-Alex? Ben oui, hein, je vais te lire la petite carte que t'as préparée pour Charles-Alex. tous les dimanches, il y a un être fantastique qui me regarde avec des yeux coquins pour me faire... une petite grimace. C'est toi, Charles-Alex, avec ta belle petite face de Monsieur Timousse. Wow, merci. Hey, c'est beau. Tu restes avec nous, ben, j'espère. Ça fait déjà 2 chroniques que tu fais. Ben, il n'y a pas le choix de rester avec nous. Hein. On brise la magie de cette avenue des points. Non, tu sais, c'est ça chez nous. Cette avenue des points, c'est chez tout le monde. Ben, c'est ça, exact. Tout le monde est le bienvenu. Si vous regardez sur ce mur-là, on peut même voir un portrait de Jésus. Hey, parlant de portrait de Jésus, j'aimerais vous parler de Jésus après la pause. D'accord. C'est terrible, c'est affreux. Quoi? Ils se moquent de tout. Qui? L'amour s'amène et nous, pauvres pouilleux, ils nous jettent tous les deux. Oh. Sous les diamants des étoiles, quel magique univers. Mais dans cette romantique atmosphère, ça sent mauvais dans l'air. L'amour brille sous les étoiles d'une étrange lumière. La terre entière, en parfaite harmonie, vit un moment royal. Je voudrais lui dire je t'aime. Mais comment lui avouer mon secret, mes problèmes. Impossible, elle serait trop blessée. Quel lourd secret cache-t-il derrière tant de rancœur? Moi je sais qu'il est ce roi en exil qui règne dans mon cœur. L'amour brille sous les étoiles d'une étrange lumière. La terre entière en parfaite harmonie vit sa plus belle histoire. L'amour brille sous les étoiles, illumine dans le cœur. Sa lumière éclaire à l'infini un sublime espoir. S'il s'enfuit de la reine ce soir, dans leur folle ronde, si notre ami nous dit au revoir, nous serons seuls au monde. Shout-out d'Amic. Shout-out. Fait que peu de gens le savent, mais un portrait de Jésus comme tu as ici sur ton mur, ça peut être considéré un blasphème, le savais-tu, Charles-Alex? Comment ça? Ben parce que le deuxième, ça c'est un blasphème moral si jamais je dis cette affirmation là, mais un des commandements de Dieu, puis je pense que c'est le deuxième, mais je m'avancerai pas trop là-dessus, c'est tu ne te feras pas de représentation de Dieu sur terre, ce qui fait que toutes les images qu'on a de Jésus sont pas nécessairement vraies, parce qu'il y a personne qui a fait un portrait de Jésus du temps où ce qui était sur terre, puis de deux, ben c'est, ouais, ça peut être interprété. C'est Dieu, oui. C'est Dieu, ouais. C'est Dieu trinitaire. Mais, en même temps, ce commandement-là peut être peut-être interprété. Hey, explique. Ben, peux-tu répéter mot pour mot ce que tu as dit? Tu ne te feras pas de représentation de Dieu sur terre, ni d'idole que tu vénéreras. Là, Ben c'est ça. Faudrait que je trouve le verset. D'ailleurs, j'ai l'application de la Bible dans mon téléphone, je peux aller le trouver. De la manière que tu le décris, je le comprends plus comme tu vas pas aller idolâtrer des personnes sur terre. Tu n'iras pas te représenter un Dieu sur terre, parce que Dieu n'est pas sur terre. Donc le fait d'avoir une image, c'est pas vraiment de faire une idole de Dieu, c'est juste mettre comme ta foi en image. Ouais, ben en tout cas, moi je trouve ça controversé, puis je n'irai pas jusque là. Je me souviens plus, c'est dans quel chapitre de l'Exode qu'on a les 10 commandements, Moses de cochonnerie, naissance de Moïse, le buisson ardent. D'où je suis rendu à surligner. Lis-nous un extrait du buisson ardent. Je vais te lire le buisson ardent. Lis-nous, c'est pas un animal. C'est le mélange entre un... Hey, je vais vous lire le buisson ardent. Ok. Un loup. Un lapin, je pense. Ah, moi, je pensais que c'était un mélange entre un lit puis un loup. Un lit. Hey, j'ai... en tout cas, laissez faire. Ok, le buisson ardent. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert. C'est bon. Et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Mm-hmm. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda. Et voici, le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Fait que bref, quand on va dans un lieu saint, faut enlever nos souliers, c'est ça? C'était une marque de respect, là. Un lieu saint, l'église, c'est un lieu saint. Écoute, c'est comme controversé. Le mot saint a comme pris une drôle de tournure dans, dans le monde dans lequel on vit. Est considéré saint celui qui a la foi en tant que tel. Mais là, faut pas que je mette mes souliers tout court. Mais là, mais moi j'ai enlevé mes souliers chez vous. Ça veut dire que chez vous c'est saint? Ouais, c'est très saint. Et bah, en même temps, y a une photo de Jésus là. Un esprit saint dans un corps saint. Hein? Ouais. Ça c'est le slogan. Tes souliers encore. C'est le slogan de ASICS, un esprit saint dans un corps saint. The more you know. Mais tout ça pour dire que ben ça c'est le buisson ardent. Maxime, vous avez parlé des Jéhovah moyens l'autre fois. Je voulais revenir là-dessus, on n'avait jamais eu le temps. J'ai une histoire là-dessus en plus, c'est drôle. C'est vrai. Il y avait des quelques failles dans votre argumentaire, je trouvais. Malgré que je suis pas Jéhovah, je suis protestant, je le dis très haut et fort, je suis chrétien protestant. Le Jéhovah moyen, comme tu l'appelais l'autre jour. Non, je sais pas. Je sais même pas ce que j'ai dit là. C'était des blagues là qu'on faisait. Ouais, c'est ça. Mais il parlait des témoins de Jéhovah, puis il s'en moquait beaucoup en disant que les témoins de Jéhovah existent seulement depuis quoi 400 ans. Je te confirme, moi j'ai pas dit ça. C'est Benoît qui avait dit ça. Ben, je veux pas que tu mettes des mots dans la bouche. Non, mais vous aviez dit, vous, c'est Ben et toi, vous en parliez, hein. Puis t'as même approuvé, t'as corroboré ses paroles, hein. Ben, je suis pas là, moi, pour défaire mes invités. Moi, les invités parlent, puis je parle avec eux. Ouais, c'est sûr. Et qu'il est diplomate, Ah, c'est vrai, c'est pas parce que je dis pas le contraire de quelqu'un que je dis comme lui. Ah, mais quand tu corrobores ses paroles, hein, en tout cas. Enfin, bref. Puis là, elle disait, avant ça, ça fait juste 400 ans que ça existe, puis avant ça, il était vraiment dans la merde. Puis c'est vrai! C'est vrai! Avant ça, il était vraiment dans la merde. Avant que Jésus vienne sur la terre, il était vraiment dans la merde. Puis c'est un peu une dette qu'il avait le monde contre Dieu à cause du péché originel. Le péché originel. La pomme. La fucking pomme. Mais je trouve ça spécial, ça, la pomme, parce que, attends, il l'appelle le fruit du savoir. Ouais. Pourquoi ça serait mal pour un humain de croquer dans le fruit du savoir? Est-ce que ça veut dire c'est que... pas tant de croquer dans le fruit du savoir, c'est plus l'intention derrière le geste qui était de devenir comme Dieu. Parce que c'était ça l'intention de l'humain, de l'être humain originel. De devenir comme Dieu ou d'avoir le même niveau en ayant confiance en un être qui était pas Dieu, qui était le diable, qui était le serpent qui se promenait, qui rampait dans la vallée. Puis dans la vallée. J'ai pu entendre le Barbie's Resto Bar Grill. mais c'est ça. Ok. Parce que moi, je pensais que c'était juste l'effet qu'il y a croqué dans le fruit du savoir. Fait que là. Non, parce que avoir de la connaissance. C'est pas que les gens aient la connaissance. Non. Parce que les ignorants. Avoir de la connaissance, c'est une chose qui est bien en soi. Avoir avoir les connaissances pour devenir des dieux, c'est ça qui est mal dans le péché originel tel que décrit par cette prophétie. Soit dit en passant, c'est une prophétie, ça, le péché originel. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans le péché originel, ok, le Dieu s'adresse au serpent. Il faudrait que je trouve les paroles exactes parce que je veux pas parler à travers ton chapeau. C'est ça, exactement. Ce qui fait que je vais trouver les paroles du péché originel, formation de l'homme et de la femme. C'est pas vraiment ça. Ça, je suis rendu à Caïn et Abel. Ok. Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit Ah, hey, il est là. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est ça ici. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est ça la prophétie. Là, vous allez me dire, c'est quoi ça? Je vois pas de prophétie là-dedans. Mm-hmm. Mais la prophétie est bien et bien là. Ah ouais? Qu'est-ce qui est arrivé quand Jésus est venu au monde? Il y a des royaumes de mages qui sont venus. Mais c'est la vrai que femme, les mages n'existaient pas. J'ai lu ça quelque part. Ah oui? C'est une invention. Aïe, je ne peux pas assurer cette parole. J'ai lu quelque part que dans le texte original, il n'y avait pas de rois mages. C'est quelque chose qui est comme venu après. Mais je parle au travers de mon chapeau, j'ai pas été vérifier les faits, mais j'ai vu ça quelque part. Je vais relire les évangiles, puis je vais te le dire, mais je pense, t'as peut-être bien raison. Ça se peut, mais c'est ça, j'ai lu que dans le texte original, c'était pas là. Ouais. Mm-hmm. Puis il dit, celle-ci t'écrasera la tête, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, la femme a enfanté un enfant qui a détruit le mal, qui a vaincu la mort, et tu lui blesseras le talon, mais qu'est-ce qu'elle a fait la mort en échange? Ben, elle a enlevé le fils, le fils de Dieu. Donc, d'où la prophétie de « tu lui écraseras la tête et tu lui... » et « celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ce qui fait que, en mettant Jésus en sacrifice, on a la réalisation de cette première prophétie sous forme de parabole, parce que Jésus a dit qu'il parlerait sous forme de parabole, et c'est ce qui est arrivé! Wow! Magie! Toi, est-ce que tu crois à ça? C'est un sujet dont je n'aimerais pas discuter en ce 17 avenue des Pins. Okay. C'est bien correct. Mais toi, pourquoi tu crois? Hey, c'est une séquence d'événements fort intéressante. Okay, sans entrer dans les détails de la patente, raconter un petit peu l'histoire en gros. J'ai vécu une relation amoureuse, puis ça a été comme un petit peu en dents de scie. Pas une scie à faire, là. Une grosse scie à bois. Ah, une grosse scie sauteuse qui scie des poutres. Ouais. Aussi grosse que ça. Puis finalement, ben, je me suis fait sacrer là. Puis je suis tombé un peu déprimé. Déprimé assez longtemps, là, tu sais. Les gros pleurs, puis pas beaucoup de motivation. Puis enfin, bref. Tout ça pour dire que j'ai rencontré des personnes à ce moment-là de ma vie. Des personnes que je connaissais déjà, là, essentiellement. Tu les as re-rencontrées. Je les ai re-rencontrées. Dans une conversation, entre autres, qu'on a eue, où est-ce que j'étais chez Jeff avec Nathaniel. Chantante à Jeff, chantante à Nat. Ouais, les deux. Parce que Nathaniel, c'est un de mes amis. C'est pas le. C'est Nathaniel, ouais, c'est lui que son père, c'est une vedette en Inde ou je sais pas quoi. Ouais, un truc de même, là. Puis son grand-père, lui, son grand-père, soit dit en passant, c'est lui qui est. Je sais plus s'il l'est, je pense qu'il est tombé. Il est peut-être à la retraite, là, présentement. Café Rencontre, ouais, il était propriétaire du Café Rencontre du centre-ville. Okay. La soupe populaire du centre-ville de Québec. Les gens populaires, wesh. Oh, que wesh, négro. Et puis, c'est ça, j'avais pris quelques consommations, probablement 5 ou 6, alors que les gars, eux autres, ils en avaient pas vraiment pris. J'étais juste là en train de me saouler pendant qu'eux autres, ils parlaient tendrement. Puis, Nat, lui, il est croyant. Ce qui fait qu'il était en train de se battre un petit peu, se battre, je dis entre guillemets, là, il argumentait un peu l'un contre l'autre. Jeff, il est homosexuel, puis Nat, lui, est chrétien. Fait que là, il y avait comme une espèce de clash, là, tu sais, comprends-tu? De clash PPVM, excuse-moi, là. Clash of Clans! Puis, c'est ça, Nat, il parlait, puis c'était vraiment très clair ce qu'il disait, puis il y avait comme un petit quelque chose en dedans de lui que je ne peux pas trop expliquer, ce qui fait que au chemin du retour, moi j'allais coucher chez Nat, parce que Nat, c'est déjà un de mes bons amis, puis j'ai raconté un petit peu ce que je vivais en dedans de moi, puis tous les problèmes que je vivais, puis plutôt que d'essayer de me remonter le moral avec toutes sortes, en étant un maître de morale infini, il a juste prié. On était dehors, il faisait frette, il pleuvait à Sio, puis il a juste prié. Puis ça a été vraiment un beau moment. Je m'en souviens encore aujourd'hui, là. C'est un beau moment que j'ai vécu avec Nat. Ça m'a pas converti ça, là. Une prière, merci, bonsoir. C'est facile. Il y a juste besoin d'une prière en moment de faiblesse. Notre père, c'est les trois trous de prière. La Trinité, toi, chose. Puis, c'est ça. Puis, en tout cas, il a suivi comme une série de mois où est-ce que je me suis intéressé un petit peu à ce qui est écrit dans la Bible, puis les gens qui fréquentaient les assemblées chrétiennes. Puis, je me suis joint à une assemblée dans les mois qui ont suivi. J'ai lu la Bible. Puis, il est arrivé toutes sortes de petites coïncidences. Croyez-moi pas si vous voulez, là, mais je vous dis ce qui m'est arrivé. Un matin, je me suis levé, j'étais encore déprimé. C'était dans le temps, j'étais déprimé. J'ai prié, puis c'était une journée où est-ce qu'il pleuvait toute la journée, sauf au moment où j'ai prié. Fait que ça a été comme un petit signe. T'sais, j'ai pleuré ce matin-là. Je ne dis pas que c'était destiné à moi, puis que c'est juste. Mais écoute, c'est un clin d'œil dont j'avais besoin ce matin-là. Un matin, je m'en vais déjeuner chez Cora. Puis je commence à lire, c'était le livre des Actes des Apôtres que je lisais ce matin-là. Puis le premier mot qu'il y a dans le livre des Actes des Apôtres, c'est Théophile. Okay? Et moi, je j'avais pas encore commencé à lire. Je regarde le menu de chez Cora. Puis le plat que j'avais choisi, c'était l'omelette Théo. Tu sais, je veux dire, c'est une coïncidence, c'est purement coïncidentiel, mais ça m'a fait quand même, tu sais, c'est un petit clin d'œil qui a fait en sorte, ah, je trouve ça drôle, tu sais, puis ça ne prouve à rien en aucun cas, mais je pense que ça a été à travers la lecture d'un livre que je recommande tout à fait, qui s'appelle Les fondements du christianisme de C.S. Lewis. Pour quelqu'un qui est pas chrétien, c'est un livre que je trouve quand même intéressant parce que ça apporte une vision plus philosophique à la ouais. fois. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est-à-dire que plutôt que de prendre la foi puis de revoir l'évangile de fond en comble, parce qu'en fin de compte l'évangile, je pense que les gens connaissent l'évangile puis qu'ils comprennent l'évangile, sont juste pas ben, c'est un peu comme le Titanic là, je veux dire, moi personnellement j'ai jamais vu le Titanic, mais je sais c'est exactement c'est ça, tu sais, je connais la toune, je sais quand est-ce que le gars meurt, c'est tout là, voilà, ce qui fait que tu sais le monde comprend l'évangile, ils le savent, mais il y a toute une étude derrière l'évangile qui est super intéressante, puis c'est un livre qui est très bon pour vulgariser ça, puis amener ça dans une approche pour que ce soit accessible à tous, juste pour mieux comprendre les fondements derrière la foi, là, dans le fond, pour que ce soit logique et cohérent, parce que, tu sais, il y a bien du monde qui peuvent penser que c'est des tours de magie, puis tu lis un livre, tu te bases sur un livre, t'es un esclave, alors que non, clairement non, après, pas, là, tu sais. En fait, la religion, c'est comme un peu pour amener des explications à ce qu'on n'a pas, à ce que l'être humain n'a pas de réponse, je veux dire. Ben oui. Hein? De inné. Ouais, c'est inné. Ça. C'est comme, tu sais, on sait. Ok, oui, le Big Bang, tu sais, je sais pas si ça a été prouvé, sûrement. C'est une théorie. C'est une théorie, on n'était pas là. Tu sais, l'évolution de l'humain, on sait pas, tu sais. Fait, tu sais, les religions, ça remplit beaucoup. Ce qu'on sait pas, puis ce qu'on n'aura jamais de question, ou tu sais, puis il y a beaucoup de gens aussi justement en moment de faiblesse, de peine, qui se raccrochent à ça. Tu sais, c'est une façon de léguer psychologiquement ses problèmes un peu, c'est une autre personne en priant. Pis ouais, tout ça, c'est parce que si c'est vraiment ça, l'approche derrière la religion à ce moment-là, c'est une nuisance totale, puis c'est une pourriture dans ta vie. Là, accroche-toi pas à ça pour que écoute, si c'est en état de vulnérabilité, puis que t'es prêt à entrer dans une espèce de cycle sectaire via la religion, c'est une des pires pourritures que tu peux avoir, parce que c'est pas un sentiment d'esclavagisme que tu dois ressentir quand tu fais acte de foi, c'est plus un sentiment de liberté, puis un sentiment au contraire d'amour inconditionnel là, dans les circonstances là. Passes du moment où est-ce que tu peux être très très seul au moment où est-ce que t'es constamment en présence de Dieu, tu sais, je veux dire, c'est un bonus. Ben, c'est une façon, c'est ça. Ben, les gens, il y a des gens qui s'accrochent à ça justement pour des trucs comme ça. Mais moi tu sais, je suis athée, mais la philosophie derrière la religion, c'est une chose bien. Tu sais, je veux dire, tu sais, ça dit pas va tuer du monde, tu sais, aime ton prochain, puis tout, là. Je suis mal placé pour argumenter là-dessus parce que j'ai pas lu autant que toi, ou tu sais. Mais surtout, tu sais. On dirait les gens, y en a quand même qui ont été là juste pour trouver, parce que ça amène des réponses à leurs questions qu'ils ont pas. Puis c'est un fondement en psychologie, c'est le behaviorisme. Puis je pense que c'est la loi de la Gestalt. Puis tu sais, vous connaissez ça là, le fameux comme ça. T'sais, c'est quoi que j'ai dessiné? C'est trois lignes. C'est ça, c'est trois lignes, mais le monde genre comme du monde, mais ben tu sais, le monde normal qui connaissent pas ça vont dire, tu sais, que j'ai dessiné un triangle. Parce que l'être humain cherche toujours à remplir les trous. Pour les gens qui voient pas, j'ai fait un triangle, sauf qu'il y a juste pas de coin. Finalement, c'est trois lignes, c'est ça? Ouais. Puis l'être humain va dire, ok, ben c'est un triangle. Non, c'est trois lignes. Ouais. Parce que on cherche tout le temps à combler les trous dans notre tête, puis c'est tout le temps comme ça. Tu sais, c'est con que l'être humain est comme ça. Admettons, tu sais, ta blonde te texte, ok, elle s'en va en char, puis tout, puis ça fait deux heures, t'as pas de nouvelles. Ben, tu sais, pis tu l'appelles, elle répond pas, mais tu combles les trous, ok, es-tu morte, es-tu blablabla. Ouais, ça c'est vrai. C'est le même, fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont accrochés à ça justement pour combler les trous qui manquaient, ou tu sais, des faiblesses à des places. Ou... Sur ces paroles de sagesse, nous devrons maintenant terminer l'épisode. On va souhaiter une très belle semaine aux 17 Avenue des Pins. Une joyeuse année. Hey, une joyeuse année 2017, Avenue des Pins à tout le monde. Eh oui. Hey, je vais prendre une petite gorgée d'eau à votre santé. Maxime, est-ce que je te laisse un mot de la fin? Ah ben oui, s'il vous plaît, pendant le temps des fêtes, lavez-vous les mains. Allez aux toilettes, lavez-vous les mains. Mangez, lavez-vous les mains. Embrassez des gens, lavez-vous les mains. Lavez-vous les mains, je veux plus être malade. Ouais, c'est vrai ça.